aux anges de se prosterner devant lui. Et a fortiori, notre mère, Ève, paix sur elle. Dans cette même sourate, la sourate 20, le verset 120, فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Mais Satan le tenta de ses suggestions en disant, Adam, te guiderai-je à l'arbre de l'éternité et à un royaume indestructible? Là, Satan commence à lui chuchoter pour le faire perdre. Dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7, le verset 19, regardez comment le verset du Coran explique les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre car vous seriez du nombre des injustes. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Satan leur chuchota afin que leur apparaisse leur nudité qui était jusque-là cachée. Et leur dit, qu'est-ce qu'il leur chuchota? Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges ou que vous ne soyez pas immortels. Et il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. Il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. Ainsi les trompa-t-il tous deux en les illusionnant. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas prévenu que Satan et pour vous un ennemi déclaré. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Je m'arrête ici. Et la séance prochaine, je parlerai de la suite de cette histoire de Adam avec إبليس. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.